Je me défonce, je vois mes regrets, papa ne sait pas que son fils devient une trap star. Plus de dinero, maman, j'entre à la maison, j'ai rodé toute la night. Je passe mon quotidien à ravitaille, j'enfile mon défaut, j'ai pas besoin de watt. Plus de dinero, maman, j'entre à la maison, j'ai rodé toute la night. Plus de dinero, moins de temps, je suis dans le coupé, toi au grand. On te coupe en morceaux si tu l'ouvres, j'emplis mon cop, mais je suis déjà ivre. Et cette chaude à te la mise, tous les haters, je vous tends ma tub. Y'a plus rien, faut que j'appelle mon plug. Et tu perds tes couilles devant le gang. J'aimerais que leur mensonge devienne réalité. Le prix du kilo vient juste de baisser. Plus de respect les petits rétis sur les anciens. Elle préfère quand ça les parents albins. Mon cœur reste ravi jusqu'à la fin. C'est la merde, on est dans le crime parce qu'on a faim. Tu connais jusqu'au bout, on y les fait. Ya ya ya. Je me défonce, je vois mes regrets. Papa ne sait pas que son fils devient une trap star. Plus de dinero, maman, j'entre à la maison, j'ai rodé toute la night. Je passe mon quotidien à ravitaille. J'enfile mon téléphone, j'ai pas besoin de watt. Dinero, maman, j'rentre à la maison, j'ai rodé toute la night. J'ai pas tant de connect, j'ai mon ennemi. Non, flic, j'ai gaffe, rempli de cash. J'me prends pour un dos dans mes nages. Si t'es pas prêt, tu flèches ta place. J'ai pas tant de connect, j'ai mon ennemi. Non, flic, j'ai gaffe, rempli de cash. J'ai tout chic, j'allume mon spliff. Comme si tout ça n'était qu'un rêve. J'vais pas rétiner par rêve. Flic, gars, c'est libérable. Peuple-toi et tes collègues en civil. Casse-toi le rein, t'es n'est pas libre. Je la cuisine, je la fous dans le mixeur. J'ai dit que j'oublie pas les petits frères. Je suis défoncé, je reconnais personne. La haine sur le corner est devenue hardcore. Les contentieux se finissent d'une balle dans la jugore. La haine sur le corner est devenue hardcore. Je me défonce, je vois mes regrets, papa ne sait pas que son fils devient une trap star. Plus de dinero, maman, j'entre à la maison, j'ai rodé toute la night. Je passe mon quotidien à ravitaille, j'enfile mon dépôt, j'ai pas besoin de watt. De dinero, maman, j'rentre à la maison, j'ai rodé toute la night. J'ai pas besoin de ton aide, j'ai mon ennemi. Non, flic, j'ai gaffe, rempli de cash. J'me prends pour un dos dans mes nages. Si t'es pas prêt, tu laisses ta place. J'ai pas besoin de ton aide, j'ai mon ennemi. Non, flic, j'ai gaffe, rempli de cash. J'me défonce, j'vois mes regrets. Papa ne sait pas que son fils devient une trap star.